Après, on se console. Hein. On a des amis. Des amis, on en trouve partout. Et en Alsace, surtout, j'en ai trouvé beaucoup, la preuve. Bon, en Alsace, c'est pas toujours facile, pas plus facile qu'en Normandie, d'ailleurs. C'est-à-dire, ça dure à peu près 25 ans, quoi, pour être admis. Mais une fois qu'on est admis, c'est bon, hein. Toute sa vie après des illusions, n'est-il pas riche à millions, celui qui a des amis? Il a grand tort, celui qui dort le nez dans son trésor. Il perd son temps, celui qui prend l'or pour argent comptant. Pourquoi courir toute sa vie après des illusions? N'est-il pas riche à millions, celui qui a des amis? Sa vie, celui qui dit toute chose à un prix. Il perd son cœur, celui qui meurt d'amour pour les honneurs. Pourquoi courir toute sa vie après les illusions? N'est-il pas riche à millions, celui qui a des amis? Met la haine dans son cœur, dans son corps. Il perd son âme, lui qui réclame une peine de mort. Pourquoi courir toute sa vie après les illusions? Et n'est-il pas riche à millions, celui qui a des amis? Oh, oh, oh, oh. Celui qui a des amis. Merci.